The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Magician. Le magicien. To need. Avoir besoin de. Audience. Le public. Third. Troisième. Row. Le rang. To worry. S'inquiéter. To disappear. Disparaître. Nervous. Nerveux. To work. Marcher. Now a bit faster. Nervous. Nerveux. Third. Troisième. Nervous. Nerveux. Row. Le rang. Magician. Le magicien. To worry. S'inquiéter. Row. Le rang. Audience. Le public. To disappear. Disparaître. Third. Troisième. Magician. Le magicien. Row. Le rang. To work. Marcher. Audience. Le public. Magician. Le magicien. To disappear. Disparaître. To need. Avoir besoin de. To worry. S'inquiéter. Third. Troisième. Now, use the words in context. Avoir besoin de. Most magicians need their hat and magic wand to perform their magic acts. La plupart des magiciens ont besoin de leur chapeau et de leur baguette magique pour réaliser leur tour de magie. Le public. The audience was amazed by this magician's show. Le public a été émerveillé par le spectacle de ce magicien. Le rang. I had a very good seat at the concert, second row near the stage. J'étais très bien placé pour le concert. Au deuxième rang, près de la scène. S'inquiéter. I know they're late, but it's better not to worry. Je sais qu'ils sont en retard, mais je préfère ne pas m'inquiéter. Disparaître. The magician made the little rabbit disappear. Le magicien a fait disparaître le petit lapin. Le public. The audience was amazed by this magician's show. Le public a été émerveillé par le spectacle de ce magicien. Le rang. I had a very good seat at the concert, second row near the stage. J'étais très bien placé pour le concert. Au deuxième rang, près de la scène. S'inquiéter. I know they're late, but it's better not to worry. Je sais qu'ils sont en retard, mais je préfère ne pas m'inquiéter.